chanter. Je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner. Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles. Les seuls et là, ils sont bien au pied des tours infernales. Les petits malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale. Les stéo-radio matinale. Je veux danser, je veux danser sur les braises. Il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la caisse. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos villes ça sent fort, ils prennent en charge la mort. Laisse-les donc à leur sort. Je veux te faire oublier le mal de vivre, le mal d'aimer. Je veux chanter et je veux te faire mentir. Demain je m'y remets. Donne-moi la main camarade, tout ça c'est de la rigolade. Donne-moi la main camarade, même si on est dans la panade. Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire oublier.